Non, madame, l'amour n'est pas un drame. Non, madame, pourquoi verser de larmes? Votre cœur va la chamade, il chavire, il est malade. Pour un garçon adorable, beaucoup moins âgé que vous. L'amour est fou, il est là, il est partout. Il se joue toujours de nous, c'est lui le grand Manitou. L'amour est fou, il peut faire tout à coup. S'aimer la vie, c'est le loup, l'infidèle et le jaloux. Il n'a pas de loi, il rit de tout. L'amour est fou. Non, madame, l'amour n'est pas un drame. Non, madame, pourquoi verser des larmes? Laissez faire et laissez dire cet amour qui vous déchire. Pour le meilleur et le pire, sera toujours le plus fort. L'amour est fou, il est là, il est partout. Il se joue toujours de nous, c'est lui le grand Manitou. L'amour est fou, il peut faire tout à coup. S'aimer la vie, c'est le loup, l'infidèle et le jaloux. Il n'a pas de loi, il rit de tout. L'amour est fou.